Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 1er février 2019. Voici les grands titres de cette édition. Les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est réunis à partir de ce vendredi à Arusha en Tanzanie pour leur 23e sommet devraient recevoir le rapport de l'étape franchie dans le dialogue externe des Burundais. Et le Burundi a récemment payé $1 million américains sur ses arriérés de contribution à la communauté est-africaine qui s'élève à plus de $25 millions. Les députés de l'Assemblée législative de l'EAC expliquent ce retard par la non-conformité des lois, les lois budgétaires du Burundi et celles de cette communauté. Et le président de l'organisation Parsem explique le recul du Burundi dans le classement des pays gangrénés par la corruption, par son cadre légal lacunaire et son manque de volonté politique dans la lutte contre la corruption. Et dans le reportage du jour, les habitants de la colline Vugizonzone Gatumba de la province de Bujumbura se réjouissent de deux forages d'eau potable accordés par la Croix-Rouge du Burundi sur financement de l'Union européenne. À suivre dans ce journal et dans la chronique environnement, un spécialiste nous expliquera que la lutte contre l'érosion et la mise en jachère des terres cultivables sont certaines des méthodes naturelles utilisées pour corriger un sol acide. Voilà pour le sommet. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Le 23e sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est se tient à Arusha en Tanzanie à partir de ce vendredi 1er février. Il est prévu que le facilitateur dans la crise burundaise, Benjamin William Kapa, dresse le rapport de l'étape franchie dans le dialogue externe des Burundais. Et dans ce sommet, le Burundi a été représenté par le premier vice-président de la République, Gaston Sindimwo. Et dans les correspondances que le président burundais a transmises à son homologue ougandais, président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est, le président burundais a demandé qu'il y ait un sommet extraordinaire sur les relations burundo-rwandaises. Et ce sommet avait été reporté deux fois, l'année 2018. Je vous l'avais dit, le Burundi a récemment payé $1 million sur ses arriérés de contribution à la communauté est-africaine. Et cela est affirmé par les députés burundais à l'Assemblée législative de cette communauté dans un atelier de sensibilisation sur l'intégration à l'EAC organisé ce vendredi. Alors que l'EAC a demandé le 17 janvier dernier au Burundi de payer plus de $25 millions d'arriérés, ces élus du peuple expliquent que le retard observé dans le paiement d'arriérés a été dû aux lois budgétaires du Burundi et celles de l'EAC qui n'étaient pas conformes et qu'un seul pays sur les six qui composent la communauté n'a pas d'arriérés. Suivez à ce propos Léontine Nzeyimana, députée de l'EALA. Notre année budgétaire a enfin commencé le 1er janvier. Et l'année budgétaire de la communauté est-africaine a toujours commencé le 1er juillet. Donc il y avait un décalage dans le début de l'année budgétaire. Et cela a toujours fait que nous soyons toujours en arrière dans le décaissement de nos contributions. Ce n'est pas qu'on n'a pas payé nos contributions, nous avons des arriérés. Au moment où je vous parle, il y a un seul pays qui a déjà payé 100% de sa contribution, c'est l'Ouganda. Les autres pays, tous les autres pays ont des arriérés. Donc il n'y a pas un torchon qui brûle. Donc le Burundi a récemment payé $1 million comme une tranche des arriérés de ses contributions. Donc il n'y a pas de torchon qui brûle. En ce qui concerne le protocole de marché commun, il y a beaucoup à faire. Vous le savez, il y a des barrières non tarifaires qui sont éliminées, il y a d'autres qui naissent. C'est un travail en cours. Donc on ne peut pas penser à la mise en œuvre du protocole portant l'union monétaire sans que le protocole portant le marché commun ait été entièrement mis en œuvre. Il y a des travaux qui sont en cours qui permettront la mise en application du marché commun, à savoir l'harmonisation des systèmes de paiement de nos banques centrales. Il y a l'harmonisation des marchés des capitaux dans nos pays. Il y a le déficit de la dette du pays par rapport à la banque centrale qui doit être maintenue à moins de 5%. Donc il y a pas mal de choses qui sont en train d'être faites pour pouvoir commencer la mise en application de l'union monétaire. C'était l'honorable Léontine Nzeyimana, députée de l'EALA. Un cadre légal lacunaire, un manque de volonté politique dans la lutte contre la corruption, voilà certains des éléments qui expliquent le recul du Burundi dans le classement des pays gangrénés par la corruption. Le président de l'organisation Parsem le dit après la publication du rapport annuel de l'organisation Transparence internationale, montrant que le Burundi est passé de la 157e place en 2017 à la 170e place en 2018 dans le classement des pays dans la lutte contre la corruption. Faustin Dikoumana souligne aussi que le manque de suivi de l'enrichissement des cadres de l'État constitue un autre indice qui fait que le pays n'avance pas dans ce domaine. On l'écoute. Le départ de tout le processus, c'est l'enquête qui a été commanditée par la Banque mondiale et le gouvernement du Burundi, exécutée par le bureau CERT, qui avait prouvé que la corruption gangrène tous les secteurs de la vie du pays. Et à l'époque, le gouvernement a saisi l'occasion pour mettre sur le pied une stratégie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption. Mais et le lendemain, on a décrété la tolérance zéro. Mais malheureusement, on a conclu que l'état de la lutte n'avançait pas. Il y a eu beaucoup alors d'études qui ont prouvé que le problème, c'est que même ces institutions travaillent sur des lois lacunaires. Tout le monde s'accordait qu'il fallait un cadre légal de lutte contre la corruption efficace et une volonté. Je te dis qu'on a vu un cadre légal lacunaire qu'il fallait le réformer. Alors, on a tout fait, il y a une retraite qui a été organisée à Gitega pour la révision du cadre légal de lutte contre la corruption. Les recommandations qui en sont issues n'ont pas été suffisantes. Deux, Transparency International est venue aussi au Burundi en 2012 dans une retraite de Ruigi. Il a dit que pour avancer, il faut analyser le système national d'intégrité, donc améliorer le fonctionnement justement des institutions. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est à dire, le premier élément fondamental de lutte contre la corruption, c'est le suivi de l'enrichissement des cadres de l'État. À partir de quoi? De la déclaration des biens, avant et à l'entre. Réformer même le processus de déclaration des biens pour rendre beaucoup plus efficace. Est-ce que ça a déjà été fait? Pourquoi ils ne déclarent pas? Mais vous avez récemment entendu que le ministère de la Bonne Gouvernance a fait retourner dans notre trésor public des fonds qui avaient été détournés. Combien? À quel pourcentage? Plus de 200 millions. Alors que ce sont des milliards qui se volatilisent. Ce qui doivent rentrer dans le trésor public, c'est tout ce qui ne peut pas être justifié. C'était Faustin Dikoumana, il est président de l'organisation Parcem. Ses propos ont été recueillis par Robin Nyonguru. Le ministère de la Bonne Gouvernance a promis de réagir sur ce rapport de Transparency International la semaine prochaine. Et le gouverneur de la province Bobanza met en garde les escrocs qui demandent de l'argent à des gens prétextant que cette autorité ou son conseiller principal vont leur donner de l'emploi. Le plus souvent, ils utilisent des appels téléphoniques, comme l'indiquent les autorités provinciales. Spes Caritas Kabanyana. Ces personnes qualifiées d'escrocs utilisent souvent des appels téléphoniques ou cherchent des entretiens avec ceux à qui ils veulent demander de l'argent, leur expliquant qu'ils vont leur chercher de l'emploi dans une organisation quelconque. Ils leur demandent aussi des documents comme leur curriculum vitae et la photocopie de leur carte nationale d'identité selon certaines personnes contactées. Ce jeudi, il y en a qui appelaient ces demandeurs d'emploi leur disant qu'ils sont dans un hôtel Terra Nova à Bouba et qu'ils attendent un entretien avec le gouverneur. Il leur avait dit que le gouverneur et son conseiller principal sont en train de chercher des gens qui seront embauchés dans des organisations internationales. De son côté, le gouverneur de Bubanza dément tous ces montages et met en garde ses escrocs. Mutoi Terence Nobus précise que ceux qui seront attrapés seront sanctionnés conformément à la loi. Il appelle également la population à la vigilance et à éviter à se faire voler par ces escrocs. Assel Nitunga, conseiller principal du gouverneur, nous a appris ce matin qu'il y en a même qui l'appellent au téléphone ces derniers jours pour vérifier si réellement le conseiller principal et le gouverneur sont en train d'inscrire les demandeurs d'emploi et ils profitent de l'occasion pour démentir ces montages. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes. Fidel Niyonsenga, principal accusé dans l'affaire de viol d'une élève de l'école fondamentale de Moura, en commune Vianda de la province Bururi, a été arrêté ce jeudi soir dans la ville de Rumonge. Le gouverneur de Bururi, qui était à la tête de cette opération, demande à la justice de faire son travail. Jean-Pierre Misago. Après trois semaines de la sortie des mandats d'arrêt, Fidel Niyonsenga, enseignant à l'Ecofo Moura en commune Vianda, a été appréhendé à 15h passées de quelques minutes dans la ville de Rumonge l'après-midi de ce jeudi. Frédéric Niyonzima, gouverneur de Bururi, qui était à la tête de cette filature, de cet enseignant, avec mandat d'amener, délivré par le procureur général près de la cour d'appel de Bururi, un enseignant qui aurait engrossé son élève qui vient d'ailleurs de mettre au monde, explique que c'est la collaboration entre les quadrilogies de Bururi et de Rumonge qui a abouti à la localisation l'accusation et à l'arrestation de cet enseignant qui plaide toujours non coupable, un enseignant qui a été ensuite remis à la justice de Bururi. Pour certains, la vérité sur ce dossier va éclater au grand jour. Pour d'autres, c'est le doute. Ils craignent que cet enseignant qui nie toujours les accusations ne soit vite relâché comme ses co-accusés. À ce sujet, le gouverneur de Bururi dit espérer que la justice punira l'infraction dans l'optique d'éradiquer les violences faites aux filles et aux femmes, surtout dans le milieu scolaire. Quant au parquet de Bururi qui instruit sur ce dossier, l'on indique qu'on va réanalyser ce dossier et même les deux personnes récemment relâchées seront réinterrogées étant libres. Le procureur général de la cour d'appel de Bururi avait ordonné la libération du directeur communal de l'éducation, de la formation technique et professionnelle de Vianda et un enseignant de Moura à moins de 6 heures après que le parquet de Bururi ait déclaré détenir des preuves de culpabilité de ceux des hommes pour disparition de preuves dans ce dossier. Jean-Claude Misago de Pirumongue, Radio Isanganiro. Toujours dans les nouvelles des provinces, la circulation sur la route nationale numéro 5 est perturbée depuis 4 jours suite à la boue en provenance de la montagne Zina qui s'y est déversée. Le gouverneur de la province Cibitoke indique que la question a été soumise à la direction générale des routes. Alexis Ndairakitch. L'endroit endommagé sur cette route nationale numéro 5 se trouve à la 4e transversale Nyamitanga de la commune de Buganda. Lorsqu'il pleut, la boue venant de la montagne Zina se déverse dans cette route, faisant que la circulation soit perturbée. Cette boue alors bloque la circulation routière. Pour que le véhicule puisse traverser cet endroit, un groupe de jeunes les pousse, moyennant une somme allant de 2000 francs pour à 10 000 francs pour selon la puissance de l'engin. Ceux qui ne sont pas poussés préfèrent ajouter un circuit de plus de 5 km, surtout dans de mauvaises conditions. À part ce problème de véhicule et les passagers, les propriétaires des maisons avoisinant cet endroit endommagé, c'est la désolation et un peur que les maisons risquent de s'écrouler sur eux. Et les usagers de cette route et les propriétaires des véhicules demandent l'évacuation propice de cette boue. Le gouverneur de la province de Bitoki, Joseph Teriteka, interrogé sur cette situation, indique que la question a été soumise à la direction générale des routes. Depuis Cibitoke, Alexine Dairagije, Radio Isanganiro. Et dans le reste des nouvelles des provinces, en bref, le centre Rurumuri qui s'occupe des femmes souffrant de fistules obstétricales a besoin de partenaires pour l'appuyer matériellement. Le médecin directeur de l'hôpital régional de Gitega reconnaît aussi la surcharge du seul médecin qui y est affecté avec une moyenne de 4 à 5 opérations chirurgicales par semaine. Médecins sans frontières qui a initié ce centre l'a cédé à l'hôpital régional de Gitega il y a 4 ans. Et le lycée technique Alessandro Roissi de Ngozi a reçu ce jeudi un important équipement de laboratoire de mécanique et d'informatique de la part de l'association WITAR de l'Italie, ce don permettra l'amélioration des connaissances pratiques et par conséquent les résultats chez les élèves, comme l'a indiqué le directeur technique de cet établissement. Place maintenant au reportage du jour. À la source, reportage. Les habitants de la colline Vugizo en zone Gatumba de la province de Bujumbura se réjouissent de 2 forages d'eau potable accordés par la Croix-Rouge du Burundi à travers le programme de développement rural durable pour la nutrition et sur financement de l'Union européenne. Ils espèrent avoir une bonne santé grâce à ces forages, puisqu'avant ils utilisaient l'eau de la rivière Rusizi qui leur causait des maladies, des mains sales. C'est un reportage signé Vestine Butoy. Ce bruit est celui de l'eau provenant du forage d'eau potable qui est encerclé par des maisons. Nous sommes sur la sous-colline Samariro de la colline Vugizo, zone Gatumba, commune Mutimbuzi en province de Bujumbura. Sur place, nous sommes avec des habitants qui sont venus puiser cette eau. Ceux-ci indiquent qu'ils sont satisfaits par le fait que la Croix-Rouge, à travers son programme d'appui de développement rural et durable pour la nutrition, leur a accordé ces forages d'eau potable. Celle-ci est l'une d'entre eux. Nous remercions la Croix-Rouge de nous avoir donné ce forage d'eau potable, car auparavant, nous buvions de l'eau sale de la rivière Roussise. Puisqu'il ne voyait pas à quel sens se vouer, ce jeune garçon, Gad ou Guilimana, dit qu'ils utilisaient l'eau de la rivière Roussise, bien qu'elle soit sale. Et par conséquent, les maladies des mains sales se vissaient dans cette localité. Nous buvions de l'eau de la rivière Roussise, ce qui nous causait des maladies de mains sales, notamment le choléra, la diarrhée chez nos enfants et autres maladies. Ruth Hakizimana, habitant dans cette localité, le confirme, tout en ajoutant qu'il s'est déjà fait hospitaliser deux fois à cause de l'utilisation de l'eau de la dite rivière. J'ai été hospitalisé deux fois et j'ai beaucoup dépensé. Mais depuis le jour où nous utilisons cette eau de forage, je n'ai plus de maladies liées au manque d'hygiène. Félix Bukuru, chef de cette colline, fait savoir également que le trajet qu'ils effectuaient pour avoir accès à l'eau potable était long, raison pour laquelle ils se contentaient de l'eau de la rivière Roussise, malgré la connaissance des conséquences. Avoir le trajet de 8 km qu'on effectuait pour accéder à l'eau potable qui se trouvait au centre de Gatumba, on était dans l'incapacité d'y aller et on était contraint de boire de l'eau de cette rivière Roussise toute sale, mais en connaissance de conséquences. Cependant, ils espèrent que leur santé va être améliorée grâce à l'octroi de ces forages d'eau potable, comme l'explique Ruth Hakizimana. Nous ne souffrirons plus de maladies des mains sales, car moi-même qui étais victime de ces maladies, est-il possible que je tomberai encore malade? Sylvestre Mugabarabona, coordonnateur national d'un programme d'appui au développement rural et durable pour la nutrition au sein de la Croix-Rouge, indique que ce qui les a poussés à donner ces forages d'eau potable à la population de cette localité et que celle-ci souffrait du manque d'eau potable, alors que leur mission est de venir en aide aux vulnérables. Notre mission est de soulager la population la plus vulnérable. La population de Mutimbuzi souffre beaucoup du manque de l'eau potable parce qu'il n'y a pas une source qu'on peut capter qui peut amener de l'eau potable jusqu'à cet endroit. C'est pour cela que nous avons fait recours au forage. Comme ça, la population peut puiser de l'eau à cet endroit. Pour ceux, il ajoute qu'il y a des possibilités que les maladies des mains sales soient considérablement réduites. L'eau potable fait partie de la vie. Ça va réduire les maladies liées au manque d'hygiène, que ce soit les maladies diarrhéiques, entre autres le choléra ou autre chose. 6 provinces couvertes par ce programme sont Bujumbura, Gitega, Mwaro, Kirundo, Bururi et Rumonge. Radio Isanganiro, chronique environnement. Certaines méthodes naturelles, comme la lutte contre l'érosion et la mise en jachère des terres cultivables, peuvent être utilisées pour corriger un sol acide. Le professeur d'université Salvatore Caboneca fait savoir que même certaines cultures vivrières résistent à un sol acide. Christella Nizigama pour les détails. Précédemment, dans la chronique environnement, nous vous avions parlé des conséquences de l'acidité du sol, cette dernière ressource de malnutrition, étant donné que la terre produise peu et sans éléments nutritifs nécessaires à la croissance. Salvatore Caboneca, professeur d'université, indique qu'il faut recourir aux méthodes naturelles comme la lutte contre l'érosion et l'effet de brousse. Pour l'érosion, pour moi, c'est le point d'entrée principal de la lutte contre l'acidification. C'est la lutte contre l'érosion, c'est la limitation, l'interdiction systématique des feux de brousse, les exportations des cultures. Les exportations, ça veut dire ces éléments nutritifs qui sont pris en dehors du champ à des usages différents. Normalement, on devrait considérer seulement la partie que l'on mange. Le reste devrait revenir à la terre. L'autre méthode est la mise en jachère des terres cultivables qui permet de redonner vie au sol. Normalement, la meilleure méthode, c'est tout simplement la mise en jachère. Laisser reposer le sol. Si je vous ai parlé de ces pertes par les civages, les cations qui ont été emportées en profondeur, lorsque vous laissez reposer le sol en laissant la jachère, cette jachère va absorber ces éléments qui sont en profondeur, les remonter en surface, tout plus ou moins à la disposition de la plante, dont la zone d'absorption, généralement, c'est dans les 25 cm. Donc, la jachère permet de redonner vie au sol. Alors, avec la pression démographique, ce n'est plus possible. Donc, la méthode naturelle, en réalité, a des limites. Pour ce professeur, la forêt est le meilleur système de recyclage de ces éléments nutritifs perdus en profondeur.